fais pas aller sous ou en bas. Ça me jalouse et j'en suis pas ravi. En bas, en bas, je souhaite le paradis. Je me retrouve à zoner en moto avec ma gadi. En là, on se cache après un paparazzi. Ou en bas, ça me jalouse et j'en suis pas ravi. En bas, en bas, je souhaite le paradis. Je me retrouve à zoner en moto avec ma gadi. En là, on se cache après un paparazzi. Tout ce qu'on sait, nous on dit pas. On a grandi dans l'omerta. J'espère que notre amitié durera. Tant que de vue, on se perd pas. Moi j'ai mis tout sur moi-même. Ils misent tout sur le paraître. Je suis omniprésent dans le game. Ils aimeraient que je disparaisse à la playa. Je suis sur le bateau avec Maria. Ça fait test, ok. Moi je suis Nia. Na na na na na, mamia. J'ai voulu te faire confiance et tu as fait ce qu'il fallait pas. Je coupe tout, j'ai pas le temps de me prendre la tête avec toi. Je connais la zone, je connais les braves, les fous. Je me rappelle avant, quand il n'y avait pas les sous. Je connais la zone, je connais les braves, les fous. Je me rappelle avant, quand il n'y avait pas les sous. Où on va, ça me jalouse et j'en suis pas ravi. En bas, en bas, je vous souhaite le paradis. Je me retrouve à zoner en moto avec ma gadi. En là, on se cache après un paparazzi. Où on va, ça me jalouse et j'en suis pas ravi. En bas, en bas, je vous souhaite le paradis. Je me retrouve à zoner en moto avec ma gadi. En là, on se cache après un paparazzi. Je connais la zone, je connais les braves, les fous. Je me rappelle avant. Quand y'avait pas les sous, j'connais la zone, j'connais les braves, les fous, j'me rappelle avant. Quand y'avait pas les sous.